الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, un livre de l'imam de l'Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah, et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait expliqué le hadith de Jabir et le hadith de Anas. C'est ça? Hadith de Jabir, qui nous le récite. Tadalah. قالوا برخصة الله التي رخص. نعم أحسن بارك الله فيك. الحديث de أنس qui le lit, qui le récite. من وطا تفضل. في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب كساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصبوان وقام المفطرون فضربوا الدنيا وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجور بالأجر. بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والثمانون بعد المئة le 186e حديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. رواه البخاري ومسلم. le 186e حديث. سلو عائشة رضي الله عنها دي سلو عائشة رضي الله تعالى عنها الجي j'avais un jeûne à rattraper du Ramadan et je n'avais la possibilité de le rattraper qu'au mois de Sha'ban, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه فيعلم ذلك ويقرها عليه. Le sens général du hadith. Aïcha رضي الله عنها nous cite qu'elle avait des jours de jeûne à rattraper du Ramadan. Et parce que le prophète صلى الله عليه وسلم l'aimait et parce qu'elle avait un bon comportement envers lui, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle était à son service, elle retardait le rattrapage de son jeûne du Ramadan jusqu'au mois de Sha'ban. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait beaucoup pendant ce mois-là, pendant le mois de Sha'ban. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait connaissance de cela, et acceptait cela. Il avait connaissance que Aïcha radhiyallahu anha avait des jours à rattraper. ما يؤخذ من الحديث أولا جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر. Premièrement, on retient de ce hadith qu'il est autorisé de retarder le rattrapage du Ramadan jusqu'à Sha'ban. Et quand on dit Sha'ban, c'est le mois de Sha'ban de l'année suivante. Autrement dit, un mois avant l'autre Ramadan. Qu'il est autorisé de retarder le rattrapage des jours du Ramadan jusqu'au mois de Sha'ban, à condition qu'il y ait une excuse valable à cela. ثانيا إن الأفضل التعجيل مع غير العذر فعائشة رضي الله عنها قد بينت عذرها في ذلك. Deuxièmement, que le mieux est de s'empresser à rattraper ces jours lorsqu'il n'y a pas d'excuse pour les retarder. Car Aïcha رضي الله عنها a expliqué son excuse dans cela, à savoir qu'elle était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle s'occupait de lui de la meilleure des façons. ثالثا انه لا يجوز تاخير القضاء الى رمضان التالي واختلف العلماء في وجوب الكفاره مع التاخير الى دخول رمضان الاخر ومذهب الحنابلة ان عليه الكفاره اذا اخر لغير عذر. Troisièmement, le retient de ce hadith qu'il n'est pas autorisé de retarder le rattrapage des jours du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant. Et les savants ont divergé sur l'obligation d'une expiation pour celui qui retarde le rattrapage du Ramadan jusqu'à l'entrée de l'autre mois du Ramadan. Et dans le madhhab de l'imam Ahmed, eh bien, cette personne doit donner une expiation si elle a retardé son rattrapage du jeûne sans excuse. Et min bab al-fa'ida, d'autres savants considèrent que cette personne n'a pas de kafara car il n'y a pas de hadith clair et authentique à ce sujet. Rabi'an, husn 'ishrati 'Aisha radhiyallahu 'anha رزق الله نساءنا القدوة بها. Quatrièmement, le retient de ce hadith, le bon comportement qu'avait Aïcha radiallahu anha dans sa vie conjugale avec le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Puis Cheikh al-Bassam dit qu'Allah azza wa jal accorde à nos femmes le fait qu'elles la prennent comme exemple. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع والثمانون بعد المئة le 187e حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه البخاري ومسلم وأخرج أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل وهو قول أحمد بن حنبل. Le 187e hadith. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il avait des jours à jeûner jeûnera pour lui son héritier. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et Abu Daoud a également rapporté ce hadith et a dit ceci uniquement dans les vœux. Et c'est la parole de Ahmed ibn Hanbal. Ceci uniquement dans les vœux, c'est-à-dire lorsque ce défunt a fait le vœu de jeûner et qu'il meurt sans l'avoir fait. Al-ma'na al-ijmali. Al-duyun allati 'ala al-amwat yajibu qada'uha. سواء أكانت لله تعالى كالزكاة والصيام أم للآدميين كالديون المالية وأولى من يتولى ذلك ورثتهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Le sens général de ce hadith. Les dettes qu'ont laissé les défunts, il est obligatoire de les rembourser. Que ce soit des dettes vis-à-vis d'Allah Azzawajal, comme la zakat ou le jeûne, ou des dettes concernant des êtres humains, comme des dettes financières. Et celui qui mérite le plus de rembourser ses dettes, et ce sont ses héritiers. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt alors qu'il a un jeûne à accomplir, jeûnera pour lui son héritier. Ma yukhadu min al-hadith. Awalan zahiru al-hadith wujubu qada'i siyami anil mayyit. Sawa'un akana nadharan am wajiban bi asli shara' khilafan li taqyidi Abi Dawud. وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص عليه. ثانيا إن الذي يتولى الصيام هو وليه والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que ce qui apparaît du hadith est l'obligation de rattraper le jeûne du défunt, que ce jeûne soit un vœu ou qu'il soit une obligation, ou que ce soit un jeûne obligatoire dans la législation musulmane. Et quel est le jeûne obligatoire dans la législation musulmane ? Le Ramadan. Contrairement à la spécification qu'a cité l'imam Abu Daoud. Quelle est cette spécification ou cette spécificité? Que ce jeûne concerne uniquement le vœu. Et Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit que d'ajouter autre que le jeûne dans ce hadith, cela est fait par analogie. Et il n'y a rien dans le hadith qui le stipule. On a vu que l'on retient de ce hadith que l'on doit rembourser les dettes du défunt, quelle que soit cette dette. Que ce soit une dette vis-à-vis d'Allah, comme la zakat ou un jeûne, ou que ce soit une dette vis-à-vis des gens. Et les dettes financières, l'on les retient de ce hadith par analogie. Par analogie. Si tu dois rattraper le jeûne d'un défunt, car c'est une dette qu'il a vis-à-vis d'Allah, eh bien, par analogie, tu dois aussi rembourser les dettes qu'il a vis-à-vis des gens. Mais il n'y a rien dans le hadith qui prouve ou qui stipule clairement que les dettes financières doivent être remboursées. Mais Al-Qiyas, l'analogie, fait partie des preuves que l'on prend en compte dans notre religion. Car les preuves en islam, c'est le Coran, la Sunna, Al-Qiyas ou Al-Ijma', l'analogie et l'unanimité des savants. L'unanimité des savants, car le professeur Hassan a dit « La tajtami'u ummati ala dalala » « Ma communauté ne peut être unanime sur un égarement. » Deuxièmement, que celui qui jeûne, c'est-à-dire celui qui rattrape le jeûne, est son héritier. Et l'héritier, c'est celui qui profite de ce que le défunt a laissé. Comme bien. فَمِنْ مُقْتَضَى الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ قَضَاءُ دُيُونِ اللَّهِ عَنْهُ. Et parmi les implications du devoir de cet héritier, c'est de rembourser et de combler les dettes que ce défunt a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ اِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ. La divergence des savants. Et là, il faut être attentif car cela demande de la réflexion. اختلاف العلماء. اختلاف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضى عنه على ثلاثة أقوال. أحدها لا يقضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد. الثاني يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع، وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد والليث وإسحاق ونصره ابن القيم. والثالث أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع، وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره ابن حزم، ورد قول من خالفه وجماعة من محدث الشافعية، وهو قول الشافعي في القديم، وعلق القول به على صحة الحديث. قال البيهقي: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي، وقال إنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وأوجبها على نفسه أو وجبت بأصل الشرع، أوجبها على نفسه أو وجبت بأصل الشرع. Donc, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit la divergence des savants. Les savants ont divergé sur celui qui meurt et qui a un jeûne alors qu'il avait un jeûne à accomplir. هل يقضى عنه؟ Est-ce que l'on doit rattraper pour lui? Et lorsque l'on dit une personne qui meurt et qui a un jeûne à rattraper, soit la personne a fait un vœu en disant « Je fais le vœu à Allah de jeûner 5 jours. » Ici, de jeûner 5 jours devient pour lui obligatoire. Car il s'est imposé à lui-même une chose qu'Allah ne lui a pas imposée. Ou bien, une personne qui, par exemple, pendant le mois du Ramadan, était en voyage et n'a pas jeûné. Puis, il s'est dit, je vais rattraper ce jeûne après le Ramadan. Mais il meurt avant de pouvoir rattraper ses jours. Ainsi, c'est une dette qu'il a vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Les savants ont divergé sur trois avis. Le premier est que l'on ne jeûne pas pour lui, quelle que soit la situation, que ce soit un vœu ou que ce soit un jeûne obligatoire. Et ceci est l'avis de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et de l'imam al-Shafi'i fil-Jadid, c'est-à-dire dans son nouveau madhab, car l'imam al-Shafi'i avait 2 madhab, un ancien et un nouveau. L'ancien, c'était quand il était en Irak, et le nouveau, quand il était en Égypte. Et beaucoup ont une mauvaise compréhension de ces 2 madhhab de l'imam Shafi'i rahimahullah. Certains disent que l'imam Shafi'i, lorsqu'il était en Irak, eh bien, adoptait des jugements et faisait des fatwas par rapport aux gens de l'Irak. Et lorsqu'il était en Égypte, eh bien, il faisait des fatwas et proclamait des jugements par rapport à l'état des gens en Égypte. Et cela est faux. Ce qui a fait que l'imam Shafi'i rahimahullah avait un madhhab en Irak et qu'il en avait un autre en Égypte, et que lorsqu'il s'est rendu en Égypte, il est passé par la Mecque, par Mecca. Et à la Mecque, il a rencontré énormément de savants et de gens du hadith. Et c'est là où il a pris connaissance de beaucoup de hadiths dont il ne connaissait pas l'existence. Et ainsi, cela a eu un impact sur les jugements qu'il donnait. Car il donnait des jugements selon la science à laquelle il était arrivé. Mais lorsque des hadiths nouveaux lui sont apparus, eh bien, l'imam Shafi'i rahimahullah, comme tous les autres savants de la sunna, ils ne suivent que les hadiths Ils ne suivent que les preuves. Et lorsque le hadith est authentique, alors c'est son madhab. Et cela a été dit par les quatre imams. Ida sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Lorsque le hadith est authentique, c'est alors mon madhhab. Et ils ont tous dit, si vous voyez une de mes paroles qui contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez-la et jetez-la contre le mur. Ainsi, cet avis, c'est-à-dire que l'on ne rattrape pas le jeûne du défunt, quelle que soit la nature de ce jeûne, était donc l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i dans Al-Jadid, dans le Madhab Al-Jadid. Le deuxième avis est que l'on rattrape le jeûne du défunt si c'est un vœu. Par contre, si c'est une obligation de la religion, nous ne le rattrapons pas pour lui. Et c'est le madhab de l'imam Ahmed, de Abu Ubaid, de Layth, de Ishaq, et c'est notamment l'avis qu'a soutenu l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Le troisième avis est que l'on rattrape le jeûne du défunt, que ce soit un vœu ou que ce soit un jeûne obligatoire. Et c'est la parole de Abu Thawr et c'est la parole des gens du hadith. C'est un avis qu'a soutenu l'imam Ibn Hazm et il a répondu à la parole de ceux qui l'ont contredit. C'est également l'avis de gens du hadith parmi Al-Shafi'iyya. Et c'est également l'avis de l'imam Shafi'i dans Al-Qadim, dans son ancien madhab, lorsqu'il était en Irak. Et il a suspendu sa parole à l'authenticité du hadith. Il a suspendu sa parole à l'authenticité du hadith. C'est-à-dire, si le hadith est authentique, alors ce sera mon avis. Et l'imam Bayhaqi, rahimahullah, a dit, si l'imam Shafi'i avait pris connaissance de l'ensemble des versions du hadith, eh bien, la vérité lui serait apparue et il ne l'aurait en aucun cas contredit, incha'Allah. Et c'est également l'avis de Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di, rahimahullah, qui est le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymin, mais aussi de Cheikh Al-Bassam. Car on a vu dans l'introduction de Taysir Al-Allam que Cheikh Abdullah Al-Bassam fait partie des éminents élèves de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Et Cheikh al-Sa'di a dit, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et que l'on doit compenser, rattraper les dettes du défunt, que ce soit une dette vis-à-vis d'Allah ou que ce soit une dette vis-à-vis des êtres humains, que ce soit une chose que le défunt s'est lui-même rendu obligatoire à travers un vœu ou que cette chose était obligatoire par la religion. ثم قال الشيخ البسام رحمه الله استدل المانعون مطلقا بأدلة منها قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما روي عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد وروي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عباس وهما راويان لحديثي الصيام عن الميت وخالفاهما فأتبع رأيهما لا روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث. La preuve de ceux qui disent qu'il n'y a pas à rattraper le jeûne du défunt, quelle que soit la nature de ce jeûne. Leur preuve, premièrement, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Najm, Surat l'Étoile, le verset 39, « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » En vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, c'est-à-dire des actes qu'il a faits lui-même, et non pas que les actes qu'aurait fait autrui pour lui. « Et comment est-ce qu'on peut répondre à ce verset? Est-ce que c'est comme cela qu'on doit comprendre ce verset? Est-ce qu'il y a une preuve que tu peux bénéficier des fruits d'actes que tu n'as pas fait toi-même? إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Que lorsque l'être humain meurt, ses actes sont suspendus sauf trois. Et la preuve également est ce qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, que personne ne prie pour personne et que personne ne jeûne pour personne. Et cela a été rapporté également de Aïcha. Il a été rapporté de Aïcha une parole similaire à celle de Abdullah ibn Abbas. Or, Aïcha radiallahu anha et Abdullah ibn Abbas sont les deux rapporteurs des hadiths qui parlent du jeûne du défunt. Le hadith de Aïcha que l'on étudie actuellement et le hadith d'Abdullah ibn Abbas est le hadith suivant. Ce sont les deux rapporteurs des hadiths qui parle du fait de rattraper le jeûne du défunt. Or, ils ont dit des paroles qui contredisent cela. Et ces savants qui disent que l'on ne rattrape rien du défunt disent que l'on suit leur avis, non leur version. Non ce qu'ils ont rapporté, car ils sont plus connaisseurs du sens du hadith. Car ils sont plus connaisseurs du sens du hadith. Et la règle est que lorsque un compagnon dit une parole qui contredit un hadith, « Al-ibratu bima rawa la bima ra'a » Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Lorsqu'un compagnon dit une parole dont apparaît de cette parole une contradiction avec un hadith, alors ce que l'on doit prendre en compte, c'est ce qu'il a rapporté comme hadith et non pas l'avis qu'il a émis. Car la preuve existe avant tout dans la parole d'Allah et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَاسْتَدَلَّ الْمُجَوِّزُونَ لِلْقَضَاءِ مُطْلَقًا بِحَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَالْوَاجِبِ بِالنَّذْرِ وَبِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. Ceux qui autorisent de rattraper le jeûne du défunt, quelle que soit la nature de ce jeûne. Ils ont pour preuve le hadith de Aïcha radiallahu anha que l'on étudie. Celui qui meurt alors qu'il a un jeûne à accomplir rattrapera pour lui son héritier. Et que ce hadith est général et englobe le jeûne obligatoire ou le jeûne qui émane d'un vœu. Et ils ont aussi pour preuve le hadith de Abdullah ibn Abbas qui vient par la suite, le 188e hadith. Et quel est ce hadith? Qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: Ô envoyé d'Allah, ma mère est décédée alors qu'elle avait un mois à jeûner. Dois-je le rattraper pour elle? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si ta mère avait une dette, la paierais-tu pour elle? Il a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la dette d'Allah mérite plus d'être remboursée. La dette d'Allah mérite plus d'être remboursée. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. قال ابن حجر إن أحمد ومن معه حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وليس بينهما تعارض حين يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له، أما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. الإمام ابن حجر رحمه الله دي كلمة أحمد et ceux qui sont de son avis, donc l'avis de l'imam Ahmad est que on rattrape uniquement le vœu et non le jeûne obligatoire. Et ils ont pour preuve que le hadith d'Abdullah ibn Abbas, en fait il y a deux versions dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Il y a deux versions, on verra par la suite que ces deux versions prouvent qu'en réalité, ce sont deux faits différents qui ont eu lieu. Un homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui informer que sa mère est décédée alors qu'elle avait un mois de jeûne à rattraper. Et l'autre version, qui est une femme qui est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa mère avait un jeûne liée à un vœu à rattraper et qu'elle est morte avant de l'avoir fait. Et l'imam Ahmad dit que le hadith d'Abdullah ibn Abbas, la version qui parle du jeûne, du vœu, vient restreindre le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha est général. Et ils disent que le hadith d'Abdullah ibn Abbas, l'autre version qui parle du jeûne, du vœu, vient restreindre le hadith de Aïcha. Ainsi, on ne rattrape que le jeûne lié à un vœu. Et Al-Hafidh ibn Hajar a répondu en disant qu'à la base, il n'y a pas de contradiction entre le hadith de Abdullah ibn Abbas et le hadith de Aïcha. Car le hadith de Abdullah ibn Abbas est venu pour raconter un fait particulier qui est arrivé. Et le hadith de Aïcha radhiyallahu anha reste la règle générale. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Les deux hadiths. اما المفصلون وهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب باصل الشرع فيرون ان حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالروايه الثانيه عن ابن عباس المذكوره في هذا الباب. ونصر ابن القيم هذا القول في كتابيه اعلام الموقعين وتهذيب السنن، وقال انه اعدل الاقوال وعليه يدل كلام الصحابه، وقال تعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصوم احد عن احد ويطعم عنه مراده في الفرض الأصلي، أما النذر فيصام عنه. وما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت عليها الصوم أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر. وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وهو مقتضى الدليل والقياس، لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه. ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، وفي حديث ابن عباس كما ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس. ثم قال أيضا وسر الفرق أن النذر التزام المكلف بما شغل به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف واجبة الشرع فإنها على قدر طاقة البدن. انتهى ملخصا منه. Le troisième avis, la preuve de al-mufassiloun, de ceux qui font une distinction entre le jeûne lié à un vœu et le jeûne obligatoire dans la législation musulmane. Quant à ceux qui différencient, c'est-à-dire ceux qui considèrent le fait de rattraper le jeûne lié à un vœu et non le jeûne obligatoire initialement dans la religion. Ils considèrent que le hadith de ce chapitre, qui est le hadith de Aïcha, celui qui meurt alors qu'il a un jeûne à accomplir, jeûnera pour lui son héritier. Et le hadith de Abdullah ibn Abbas qui vient par la suite, lorsqu'un homme est venu questionner le professeur sallam et informé que sa mère est morte alors qu'elle avait un mois à rattraper. Ils ont dit que ces deux hadiths sont restreints par la deuxième version du hadith d'Abdullah ibn Abbas. Et on a dit que la deuxième version du hadith d'Abdullah ibn Abbas, que ce n'était pas un homme qui est venu, mais une femme, et que ce n'était pas un mois de jeûne, mais c'était un jeûne lié à un vœu. Donc ils ont dit que ce hadith, la deuxième version du hadith d'Abdullah ibn Abbas, vient restreindre à la fois le hadith de Aïcha et la première version du hadith d'Abdullah ibn Abbas. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a défendu cet avis dans ses deux livres, I'lam al-Muwaqi'in et Tahdhib al-Sunan. Et il a dit, rahimahullah, donc l'imam Ibn al-Qayyim, que c'est l'avis le plus juste. Et c'est celui qui est prouvé aussi par la parole des compagnons. Et quant au hadith d'Abdullah ibn, et quant à la parole d'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a dit, personne ne jeûne pour personne, mais l'on nourrit un pauvre pour lui, que cela est lié au jeûne obligatoire à la base, celui qui est rendu obligatoire à la base dans la religion. Quant au vœu, l'on doit jeûner pour le défunt. Et ce qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a répondu à celle qui est décédée et qui avait un jeûne, que l'on doit nourrir pour elle, que cela également est lié au jeûne obligatoire à la base dans la religion, non au jeûne lié à un vœu. Et ainsi apparaît la concordance avec les différentes versions de hadith dans ce chapitre. Et c'est ce qui découle du hadith, des preuves ainsi que de l'analogie. Car le vœu n'est pas obligatoire à la base dans la religion. On a dit que le vœu, c'est le fait de s'obliger, de se rendre obligatoire quelque chose qui, à la base, ne l'est pas. Car le vœu n'est pas obligatoire à la base dans la religion, mais c'est le serviteur qui se l'est rendu obligatoire. Ainsi, cela est comparé à une dette qu'il doit s'acquitter, dont il doit s'acquitter. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cela à une dette dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Puis, l'imam ibn al-Qayyim a dit, et la finesse dans cela est que le vœu, celui qui a fait le vœu, s'est rendu obligatoire quelque chose que la religion ne lui a pas rendu obligatoire. Ainsi, فَهُوَ أَخَفُ حُكْمًا مِمَّا جَعَلَهُ الشَّارِعُ حَقًّا لَهُ شَاءَمْ أَبَا. Ainsi, je ne sais pas comment traduire c'est comme un fardeau. Lorsque tu fais un vœu, tu t'obliges quelque chose qui pèse sur tes épaules. Et celui qui a quelque chose qui pèse sur ses épaules, il se doit de se l'acquitter, qu'il soit capable de le faire ou qu'il n'en soit pas capable. Ce sera toujours quelque chose dont il sera redevable. Comme une dette. Tu empruntes de l'argent à quelqu'un. Tu dois rembourser cette dette, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que cette dette est effacée. Non. Même si tu n'as pas la possibilité de rembourser cet argent, eh bien, ça reste un devoir pour toi de le faire. Et si tu meurs sans l'avoir remboursé, eh bien, ce sera à tes héritiers de le faire. Et l'imam Ibn al-Qayyim dit que celui qui a fait un vœu, eh bien, s'est rendu redevable de quelque chose qu'il doit rendre, qu'il puisse le faire ou qu'il ne puisse pas le faire. Contrairement aux obligations qui résident dans la législation musulmane. فَإِنَّهَا عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْبَدَنِ. Ces obligations sont faites en fonction de la capacité du corps. Car Allah Azza wa Jalla dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah comme vous le pouvez. Et c'est là où on voit la subtilité que l'imam Ibn al-Qayyim a citée, que les obligations à la base de la religion, tu les fais si tu le peux. Or, ce que tu t'es imposé à toi-même, c'est une chose dont tu es redevable, que tu aies la capacité de le rendre ou que tu n'aies pas la capacité de le rendre. C'est pour cela qu'ils ont différencié entre le jeûne lié à un vœu et le jeûne qui était obligatoire à la base dans la législation musulmane. Est-ce que c'est clair ? Fa'ida, qada'u waliyihi anhu min bab al-istihbab 'inda jamaahir al-'ulama ma 'ada al-zahiriyya faqad awjabuhu wa qalat al-hanabila an kan al-mayyit khalafa tarikatan wajaba al-qada' wa illa istuhib wa qalu in sama ghayr al-warith ajza'ah. Puis Cheikh al-Bassam rahimahullah fait une remarque en disant que le fait que l'héritier rattrape, cela est préférable chez la majorité des savants, hormis Zahiriya, qui ont considéré que rattraper pour l'héritier est une obligation. Et Al-Hanabila ont dit إن كان الميت خلف تركة وجب القضاء وإلا استحب. Et Al-Hanabila ont émis une condition. Si le défunt a laissé des biens dont a hérité son héritier, alors il devra obligatoirement rattraper pour le défunt. Par contre, si le défunt n'a rien laissé, alors l'héritier n'est pas dans l'obligation de rattraper pour le défunt. وَقَالُوا إِنْ صَامَ غَيْرُ الْوَارِثِ أَجْزَأَهُ. Et ils ont dit, si autre que l'héritier jeûne pour le défunt, cela sera valable. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.